Jean-Charles! Oui, allô? Jean-Charles, est-ce que c'est toi au bout du fil? Ah, ben, je peux pas être aussi au bout. T'es-tu au bout du rouleau aussi? Ben, non, je suis pas allé encore à Water Closet. Bon, OK. Hey, Jean-Charles, je t'appelle. Ben, j'entends bien que tu m'appelles. Je suis au téléphone. On dirait pas, hein? Non, mais aujourd'hui, hein, c'est des sans-fil numériques Dolby Digital Surround. Oh, y'a donc. Ouais, qu'est-ce que tu veux, mon cher ami? Mais moi, je suis à l'épicerie, là. Oui. Comment ça, on appelle ça une épicerie, puis il n'y a pas d'épices à l'épicerie? Ah, une autre question qui n'a pas d'allure. Attends un peu, là. Qu'est-ce que tu me poses, là? Est-ce que c'est un lapin? Un lapin, attends un petit peu, là. Ben, ça devrait pas être un lapin, moi, c'est pour le café. Ben oui, mais c'est ça, mais je sais pas pourquoi c'est cette question-là. Mais il n'y a pas d'épices à l'épicerie. Ah, on a un solide, T'as juste à dire, t'es à l'épicerie sans épices. OK, je suis à l'épicerie sans épices. Oui. Et là, je suis devant deux sortes de café, là. C'est pour ça que je t'appelle. Je suis le gros nerf, j'en ai pas encore bu une goutte. Ah, bon, t'en as pas une qui te coule au nez? Ben, j'en ai sur le bout de... Comment ça, tu vois ça au téléphone? Ben, c'est des téléphones photographical, digital, Dolby Surround. Oh, bon, OK. Alors, hey, bon, je suis devant les choses, là. Les choses à qui? À Georgette. Oh, ma pire, est-ce que c'est réussi, là? La chirurgie esthétique. Non, non. Pas ces choses-là. Elle m'a amené deux sortes de café, mon insignifiant. Oh, OK, je pensais que tu parlais de... Non, je parle pas de ça. Bon, hey, est-ce que... attends un peu. Oui, tu m'appelles pour... Ben, c'est ça. Hey, relax un peu. Toi, là, t'as pas pris une goutte. Ben, j'ai pas pris une goutte. J'ai dit à ma Martha. En attendant, verse-moi là en bas. Verse-moi. Ouais, je t'appelle, arrête là, parce que moi, ça fonctionne aux minutes, là. Si tu me racontes ta vie, tu me diras ça tantôt. OK. Alors là, je suis à l'épicerie sans épices. Oui. Puis là, je suis devant deux formats. Non, deux sortes de café, excuse-moi. Bon, OK. J'ai à torréfaction originale. Oui. Ou à torréfaction riche et corsée. Oh, en parlant de corsée, le corsage. Hey, arrête, toi, là. Là, qu'est-ce que je choisis entre les deux? Torréfaction originale ou torréfaction riche et corsée? Oh! Hey, c'était un quiz, ça, là. J'ai-tu quelque chose à gagner? Hey, arrête! Je suis à l'épicerie sans épices! OK. Moi, je suis avec l'épaisse. Oh, mon Dieu! La sauce à spaghetti? Non, l'autre, là! Oh, my! Elle n'aime pas. Elle va nous actionner. Tu sais comment c'est, ces femmes-là, hein? Ben, c'est pas une femme, c'est une... Ah, oh, ben, arrête, toi! Tu te mets dans le trouble! OK. Eh, hey, fait que là, qu'est-ce que tu me poses comme question? Torréfaction originale ou torréfaction riche écorcée? Oh! J'ai-tu 30 secondes? Ben, tu peux prendre le temps que tu veux, mais sois rapide, parce que moi, ça fonctionne à seconde, hein? Je suis au cellulaire! OK! Réfléchis-tu? Ben, je suis en train de voir si c'est mieux l'autre ou... C'est quoi la différence? Ben, la torréfaction, la première, c'est original, là. Ils l'ont pris dans la terre, sans doute, puis ils l'ont garoché là-dedans, Puis l'autre, là, ben, ils l'ont rendu riche et corsé. Oh, mais c'est comme une aventure, la deuxième, hein? Oui, c'est ça. Ben, je vais prendre la torréfaction riche et corsé. Oh, mon Dieu. OK, alors, si je te prends ça, je t'amène ça, là. Fais bouillir Georgette. Ah, bouille, elle est dans gros chaudron. Eh, quoi? Elle est dans gros chaudron. Non, je pensais que tu disais autre chose. Bon, ben, j'arrive dans quelques secondes. Par où tu vas passer quelques secondes? T'es à 15 minutes, là, de l'épicerie sans épices. Ah, ben, je vais arriver quand je serai là. Ah, c'est beau, ça. Pendant ce temps-là, je peux-tu écouter l'émission Errance Rénaldienne? Écoute ce que tu veux, toi, mon insignifiant. Pas encore cette émission qui a pas d'allure. Ce gars-là, là. Ce gars-là, écoute-moi bien, toi, là. Oui, je peux-tu raccrocher? Ben, si je raccroche. Ben, c'est moi qui ai su le cellulaire. OK, raccroche. Je raccroche. Hey, c'est insignifiant-là. Ah, c'est moi, ça, qui écoute ça. J'aime ça, Errance Rénaldienne, parce que c'est insignifiant-là. Même s'il gagne aucun prix, parce qu'il mérite pas ça, des prix, lui-là. C'est un has-been de la radio communautaire. C'est celui qui se prend jamais trop au sérieux. C'est le seul qui se dégonfle la tête pour entrer dans les cordes de porte. Ben voyons donc. Monsieur le Président, monsieur les pas trop catholiques, hey, Renal est-il arrivé? Oui, il vient de défaire son manteau. Il défait son manteau en combien de miettes? En, je sais pas, il est rendu à 12. Ah, bon. Jusqu'où il peut se rendre avec ça? Bon, 14, c'est le gros max, hein? OK, 13. 14. Hey, Renal, peux-tu venir? Oui, j'arrive. Oui, qu'est-ce qui se passe? Hey, ton émission est commencée. Comme d'habitude. Incapable d'arriver au bon moment. Mais ben, arriver au bon moment, faudrait qu'à quelle heure commence ton émission? Jamais pareil. En fait, à l'enregistrement, ici, là, c'est jamais pareil. Mais, à CKRL, c'est le jeudi, hein. Ben, en fait, c'est le vendredi à minuit pile. pas samedi, non, vendredi, là. OK, le jeudi après 23h59, c'est minuit. Puis après minuit, ben c'est vendredi, ben c'est ça, vendredi pile. Oh, je suis à vendredi pile. Non, t'es à errance rénaldienne. Hey, tais-toi, là, veux-tu arriver à quelque chose? Oui. Monsieur le Président, monsieur, il n'est pas trop cadolé. Vous êtes pas trop calé, vous, hein? Ben, pour être ministre, faut pas l'être trop, faut pas trop l'être, trop l'être. Est-ce que l'être est dans le néant? Ou le néant est dans l'être? Ouais, ben, c'est une question d'examen, ça? La semaine prochaine. Oh, combien de pages? Au moins 100 pages. Pas 100 pages? 100 pages. 100 pages. 100 pages. 100 pages. Sans une page? Sans une page. Vous mimez ça. Oh, mon, est-ce je capable? Regardez-moi. Mais là, nous sommes à la radio. Ben, on peut mimer à la radio. Madame Tremblay, occupez-vous pas des boutons. Amenez-vous juste devant vos haut-parleurs. Mais il me semble qu'il n'y a pas d'haut-parleurs là-dedans. Oh, Jean-Luc, regardons s'il y a des haut-parleurs. Ben, c'est du fusil sans... Dans quoi, ça, tu penses, mon insignifiante? Regarde le tout. Quel... T'es-tu en train de rire, toi, là? C'est un simili-rire. Oh! C'est pourquoi? C'est pour mettre de l'ambiance. Et quel trou? Bon, quel trou? Quel trou? Le trou de l'endroit où s'évacue la sonorité. Attends, mais peux-tu me rappeler ça? Comment tu vas? Ça prend combien de... Écris-moi ça, là. Mais c'est l'endroit où tu m'entends. Ben, je t'entends pas, là. Je t'ai jamais entendu. On s'est jamais entendu, tu le sais, hein? Ça fait 23 ans de mariage. Ça fait 23 ans que je te regarde, puis je me dis, hey, j'ai marié un insignifiant, saint, si voilà, un insignifiant, tu m'insultes! Mais je ne t'insulte point. Je me rends compte de la triste réalité qui m'attaque depuis tant de temps. Tant de temps, ben tant de temps, tant de temps, tant de temps, et vendre les poteries de tant de temps, et vendre les temps, tant de temps, et tant de temps, tant de temps, tant tant tant tant tant tant tant tant tant tant tant tant tant tant tant tant tant tant tant tant tant Tant de temps, et vois que la mort tourne, et la vie avec deux c'est malin. Allez, bon, vas-y, c'est un hardy, allez, bon, vas-y, c'est un hardy, allez, bon, vas-y, c'est un hardy, J'avoue, elle a tout près de moi. Elle n'a jamais, jamais vu l'été. J'avoue, et moi, avec toi. Ah oui, donne-moi l'été. Donne-moi l'été. Donne-moi l'été. C'est pas là, c'est la fin, oui. Oh, mon, recule-toi, c'est là. Il va postillonner. Non, il va la monter, il va la monter. Qui ça? L'été? Non, la note. L'été. T'entends plus bas qu'un bruit de nous entendre. La vie c'est ça, on ne peut plus nous revoir. La vie est en... Et moi je suis par le plus bas, car on pourrait bien nous entendre. La vie c'est ça, et on nous verra, c'est la mort. C'est quoi? Monsieur le Président, monsieur les pas trop catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone, Errance Rénaldienne. Il est fâché. Très fâché. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas? Il est quelle heure, ridicule? On sait pas. OK? À quoi bon faire cette émission? Il est quelle heure ridicule? Il est quelle heure ridicule? Quelle heure est-il de ridicule, hein? Il n'y a pas d'heure pour être ridicule. La preuve, maintenant, à cet instant précis, à cet arrêt sur image qui vous arrive là maintenant, top chrono! Et c'est vrai, hein, quelle heure insignifiant? À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Hey! À quoi bon faire cette émission? C'est qui ça? On est sorti dans une boîte de nuit puis on a entendu le petit Jean-Luc Lamaglaine. Ah, oh, pas Jean-Luc Lamaglaine. Hey, en parlant de Lamaglaine, il est juste en dessous. Il va s'arrêter? Oui, il est maintenant... Il s'est tu. Bon. À quoi bon? Là, les gens vont se dire que c'est un chaos radiophonique. Comme d'habitude... On tente le tout comme d'habitude, on cache tous les toutous comme d'habitude. Je vis dans le morasse, là, comme j'allais dire dans le mou, il y a le... Et quand tu vas à la pêche, tu tires ta ligne, elle est raide, puis là, à un moment donné, là, faut que tu laisses du mou pour que lorsque le poisson va... Manger la ligne. Comme au téléphone. Ben, moi, je fais manger la ligne de tous les individus qui veulent me vendre des choses, des articles au téléphone. J'en ai fait manger des lignes. Oh, c'est... Et puis, même moi, personnellement, là, depuis ce temps-là, je prends des sans-fil. Comme ça, je suis incapable de manger des lignes. C'est... OK. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à Errance Rénaldienne. L'absurde aventure de cette émission s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques, votre itinérant langagier. Reynald Cogné. Hey, c'est très shakespearien. Shakespeare. Attention, avant que l'animal se déballe jusqu'à vous, nous tenons à vous mettre en garde. Tout en respectant le genre humain, jamais nous nous interdirons de dire quoi que ce soit. L'errance rénaldienne se veut avant tout multidirectionnelle, à travers un sentier noble et non édulcoré que l'on surnomme les mots, l'improvisation, dévissée de tout sens, pour, en bout de route, en réinventer une autre. Si en cours de route, des turbulences vous parviennent à travers des propos biscornus, des raccordements étranges, sachez que les personnages baroques collaborent à ce chaos anarchiste. Maintenant, préparez-vous à tout. L'errance rénaldienne se dessine. Mais je chantais donc des chansons du répertoire et puis bon, je gagnais ma vie en étant serveuse dans les bars par ailleurs. Ah oui, en alignant. Oui, j'ai été serveuse pendant 7 ans dans un café. Et, as-tu fini ton bac ou si au contraire tu t'es abandonnée à la chanson? Non, j'ai eu le bac avec mention. Ok. Et j'étais une très bonne élève et j'ai que ça.

C'est pour ça que c'est pas intelligent. C'est pour ça que les gens rient pas. C'est pour ça que les gens te regardent comme... Des végétaux heureux de l'être. Ils te regardent... qu'est-ce que tu fais? Puis toi, tu te démodes, tu t'époumones, puis tu vois toutes les équipes... C'est la prothèse qui est tout en bas. Sois comme tout le monde. Tout le monde est neutre, là. Je vote à quel endroit? Je vote ici, oui. Il n'y a pas de Québec, il y a du Canada, il y a du Canada, il n'y a pas de Québec. Puis, le jour où le peuple va se réveiller, là, tout le monde va voter Québec. Et ça, ouais, le Canada, pas dans le tout. Alors donc, pourquoi je mets ce qu'elle a fait? On va revenir, ben elle a le cousu tout ça en bas, bon, il n'y a rien en haut. C'est parce que, excusez-moi, si vous regardez, parce que, pour les gens qui nous regardent pour la première fois, qui nous écoutent sans doute, excusez-moi, qui nous regardent pas, mais qui nous écoutent pour la première fois, mon émission est enregistrée. Enregistrée, oui, je sais, d'une manière audio, mais aussi d'une manière... vidéographique! Ouais, arrête, dites pas des mots. Vidéo, vidéo, l'image, oh, l'image. Une image vaut tant d'idiots. Ah, oh, c'est, y en a-tu des idiots dans cette image-là? Ben, y en a juste un idiot, pis c'est toi. Je comprends pas. Ben, c'est normal, je comprends pas, c'est toi qui es mise en scène. Oh! La scène. C'est un sujet avant la mort, quand derrière mon premier décor, je reste seul dans le silence. Pouvez-vous mettre un autre écho que ça? Ça fonctionne pas. Attendez, un, deux. Non, c'est pas très bon, hein? On dirait que c'est moins écosystème. Ah, comme ça ici. En espérant une autre chance, mais la scène ne connaît pas ça. Bon, OK. Mais là, pour les gens qui nous écoutent pour la première fois, vous êtes à Errance Rénaldienne. CKRL est une radio communautaire. On les applaudit parce que quand même, ils fessent fort avec une émission comme ça. Ils se mettent en péril quotidiennement. Mais voyons là, c'est pas une émission quotidienne. Non, il peut y avoir des appels au quotidien. Là. Imagine-toi le directeur général, là. Directeur général, là. Hein? Imagine, il doit recevoir des appels, lui. Est-ce que je peux... Premièrement, la jeune fille appelle... Monsieur X appelle. Moi, leur dit, moi, c'est insignifiant. Il y a une mission de malade demain. C'est quoi, RL, bonjour? Ah, bonjour, madame. Bonjour, comment ça va, mon cher monsieur? Ça va bien, je suis dans le communautaire. Ah, vous êtes dans le communautaire, voulez-vous un petit café? Ouais, mais je suis au téléphone. Ah, c'est pas grave, on est dans le communautaire, vous êtes au téléphone, on vous en donne un. Ah, ben merci, comment je le prends? Ben, prenez-le comme vous le voulez. je vais le prendre, qu'est-ce que je peux le prendre tout à l'heure? Oui, est-ce que je peux, vous avez un directeur de la programmation? Oui, ben en fait, nous avons des directeurs. Oh, ils sont plusieurs. Oui, mais malheureusement, là... Comment ça, malheureusement? Non, c'est pas ça que je voulais dire, on a les meilleurs, c'est pas ça que j'ai voulu dire, mon cher. C'est parce que il y en a plusieurs, mais il y a une fille là-dedans. Oh, mon Dieu. Mais malheureusement, c'est là le malheureusement, là. Attention, c'est là que ça se passe. Malheureusement, je dois mettre ça au masculin, parce que même si vous mettez 50 millions d'hommes, puis une femme... Ben non, c'est mieux. 50 millions... Hey, garde-moi le grenier. 50 millions de femmes et un homme. Tout tombe au masculin. La langue française est misogyne, mon cher monsieur. Ouais, est-ce que je peux prendre mon café? Ben, prenez-le comme vous le voulez, là. Je vous l'ai donné. Ah, c'est vrai, excusez-moi. Avez-vous un directeur général? C'est plus facile, là. C'est qui votre directeur? La seule femme directrice de la programmation? Êtes-vous assis? Je suis très assis. C'est Taya Beaumont! Oh, mais comment? Taya Beaumont! Oh! Alors, comment je peux l'appeler? Ben, c'est très simple, hein? Elle a un numéro de téléphone. Oh, oui, c'est le 88. Oui, 88. 648. 648. 17. Oh, OK. Est-ce que je peux l'appeler quand? Ben, appelez-la quand vous voulez. Elle est très disponible. C'est une femme extrêmement intéressante. Vous allez voir, elle connaît tout sur la musique. Elle a aussi une émission du retour. Oh, elle n'est pas en ménopause. Elle n'a pas de retour d'âge. Non. Ben, quoi que je sais pas. Peut-être elle est en ménopause. Je vais l'appeler. Est-ce que je peux... Il y a déjà vous sur la ligne. Est-ce que je peux appeler deux lignes? Tania Beaumont, on peut pas l'appeler. Ben non, on peut pas parce qu'on... On peut pas, c'est pas techniquement possible. Oh, monsieur, je peux pas parce que c'est pas techniquement possible. J'ai bien compris. Avez-vous pris votre café, vous? Non, je peux pas en prendre un parce que je l'ai pas. Mais vous l'ai donné! Ben oui, mais c'est... ouais, ok. Alors, avez-vous un directeur général? Oui, j'ai un directeur général. Pouvez-vous me le passer? On va vous le passer. Il s'appelle Monsieur Fortin. Oh, Monsieur Fortin, d'accord. C'est quand même Monsieur Fortin, bonjour. Monsieur Fortin, c'est moi. Je m'appelle Joachim Tremblay. Oui, Monsieur Tremblay. Vous écoutez CKRL depuis longtemps? J'écoute CKRL depuis toujours. Vous avez un insignifiant, mon cher monsieur, à CKRL. Oh mon Dieu, pas encore lui. Mais c'est lui, mon cher monsieur, Réginald Grenier. Comment? Réginald Gagné. Non, c'est Monsieur Rénal Gagné. Monsieur, encore là, on le sait pas, hein, c'est un astre polaire. Ah, ça a pas l'air, non, mais je sais pas, on va demander à Raymond Poirier. Raymond, est-ce que, excusez-moi. Raymond, est-ce que Réginal, pas Réginal, mais Rénal, est polaire? Ben, c'est un bi, peut-être polaire, mais il a pas l'air bipolaire, là, mais il a l'air bizarre. Oui, c'est un bizarre, c'est pas un bipolaire, mais c'est un bizarre. Ben, ok. Ah, qu'un bizarre. Mais c'est bizarre, là, là. Pouvez-vous m'enlever ça de la station de radio, là? Il y en a un que j'ai placé là, là, un autre, là, lui, il est bicéphale. Puis il est là pour enlever cette émission-là de liaison, parce que ça a pas d'allure. Mais monsieur, monsieur Gagné, monsieur Grenier, monsieur Tremblay, on va lui pardonner, hein. Il sait pas ce qu'il fait. Ah, ben ça, écoutez, on peut pas lui enlever ça. Ben non, il y a rien d'autre dans la vie. C'est un pauvre monsieur. C'est un pauvre monsieur. Est-ce qu'on peut commencer? On peut continuer. On continue. Monsieur, merci d'avoir appelé, puis rappelez-nous la prochaine fois. On va vous rappeler. Peux-tu prendre mon café? Parce que madame, la réceptionniste... Non, c'est réceptionniste. Non, vous êtes un homme de radio, monsieur. Ben non, mais je suis un homme d'affaires, oui. La réceptionniste m'a donné un café, mais je l'ai pas ici avec moi, là. Mais vous êtes où? Je suis au bout du fil, mais je me suis rapproché du fil. Ah, c'est pour ça qu'on vous entend mieux. Je vous entends très bien, moi aussi. Alors, ben écoutez, prenez votre café, puis... Non, mais faites à semblant que c'est un café. OK. Hey, il est chaud! Comment ça, Rénal? Non, votre café! OK! Aujourd'hui, le vendredi 10 décembre 2010, l'errance, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises. Chlan de la gueule! En manque de direction, oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Quoi, ma gueule? Oh, oh, je me lâche. Ah, je me... Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule, mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Et pour nous envelopper dans une atmosphère narratif, unissons-nous autour de la créatrice chanteuse Agnès Bill. Agnès Bill est une chanteuse à texte française. Issue d'une famille d'intellectuels, la petite Bill s'intéresse naturellement à toutes les formes artistiques, notamment à l'écriture et à l'art dramatique. S'inspirant de Brel, Brassens, Renaud et Anne Sylvestre, Agnès Bill apprécie beaucoup la chanson française à texte. Tu l'as dit deux fois. Ben oui, mais c'est indiqué sur le texte. À texte. À texte? À texte qui? Mais on m'a envoyé un texto. Un texto. Un texte. Ordinaire. C'est très ordinaire, ce texte-là. En tout cas, à texte. Elle décide de chanter la réalité à travers son univers où se mêlent poésie, humour et militantisme. Elle a fait ses débuts au Limonaire en 1998. Je pensais à la limonade. Non, elle n'a jamais vendu de limonade. Non. Ben, peut-être. Oui, c'est vrai. Elle a été... oui, peut-être. Invitée par... J'allais dire inventée. Charles Aznavour invente bien des femmes. Isabelle. Isabelle. Isabelle. Isabelle. Isabelle. Mon amour, ça, c'est une chanson de Charles Aznavour. Hein, c'est quand même assez complexe comme. Et invité par chaque Charles Aznavour ou chaque Aznavour, chaque Aznavour trouve son Charles. Comment ça, chaque Aznavour trouve son Charles? Ben oui, chaque Aznavour trouve son Charles. Peut-être. Elle l'accompagne durant ses tournées pour faire sa première partie entre octobre et décembre 2007. Aujourd'hui, elle sillonne la francophonie et amène au paysage musical une couleur singulière qu'elle défend depuis le début de sa carrière. Ça, c'est moi qui l'ai écrit. Là. L'autre, j'ai pris ça sur Internet, mais aujourd'hui, elle sillonne la francophonie et

KRL. Cultive tes goûts. Merci, c'est KRL de cultiver mes goûts. J'adore voir ton beau jardin rempli de fleurs, de fruits et de légumes. Vas-y, Renal, en parlant de légumes. Oh, c'est moi, oui! Là, ici, maintenant, comment ça, les gars? Tu es là, là, là, là, là, et plus rien ne m'arrivera. Tu es là! Hey, t'es pâmé, toi! Je suis pâmé, oui. Je me pâme souvent. Avec qui? Avec Pamela. Oh! Pamela qui? Pamela là. Où elle est, Pamela? Elle est ici. Elle est ici près de moi. Ta Pamela de ta vie. Non. La Pamela. T'allais dire la Pamela de ta vie? Non, j'allais rien. J'avais rien. Je ne suis pas un voleur. Rien dans les mains, tout dans les poches. Rien dans la poche, tout dans les mains. Les mains dans les poches. Hey, t'es un prestigitateur. Ben, je peux te le dire, moi, t'es un prestigitateur. Ben oui, j'en suis un. Comment ça, tu sais ça? Ben, je te vois à travers tes mains. Oh! Non, t'es un voyant. Je suis un trop voyant. Oh, mon Dieu. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Pardonnez-leur, car il ne sait pas ce qu'il fait. Non, c'est pourquoi tu dis pardonnez-leur? Tu dis pardonne-lui l'heure. Donne-lui l'heure. Donne-lui l'heure. Il est l'heure de se la boucler. OK. Alors là, je te dis, mec, tu te la boucles et t'enchaînes. J'enchaîne qui? Rita Bibelot. On enchaîne Rita Bibelot. Rita Bibelot, on t'enchaîne. Oui, bravo. Elle aime ça se faire enchaîner, la Rita Bibelot. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Est-ce que c'est grave, docteur? Ben, 3 semaines au lit, avec 2 petites vitamines à chaque réveil, et vous le rendormez. Mais s'il ne veut pas dormir, la masse populaire, 250 millions de personnes lui diront « Dors !» Et comment? C'est épeurant. Mais c'est ça, il va s'endormir, il va s'évanouir. Il va voir des bouches arriver vers lui. Il va dormir, voyons. S'il dort pas, là, il y a un d'entre eux, un psychopathe, un maniaque, un anti-errant renaldien qui va arriver, il va le frapper. Dors. Dors, mon public, dors. Ça, c'est de Claude Meunier, c'est pas de Renal Gagné. Je tiens à dire mes sources. C'est drôle, vous avez ri, vous ricanez, vous êtes trop jeune. Il est original. Oui, mais l'originalité ne vient pas de moi. On ne s'intonise plus. Ici, là et maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin d'abord. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et Nouvelles. Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. OK, je tourne la page et je sais que j'ai un texte à lire. Est-ce que je peux le lire maintenant? Non. C'est l'improvisation de Buck. Ensuite, c'est pas Buck, c'est Charles Bukowski. Ben oui, mais alias Buck. Première phrase. Est-ce que je dois dire la première phrase ou le titre? Qu'est-ce qu'on t'a dit, mon petit champion? Ben, j'ai pas suivi, moi, là. On dit de tu balances la phrase et tu termines avec le titre. Très souvent, le titre n'est pas dit, hein? C'est vrai. C'est voulu. On est pêle-mêle dans notre cerveau. On cherche la réalité, la petite lumière. Et on ne voit plus rien. Alors, on enchaîne avec la musique. Hey, ça, c'est quoi, ça? C'est ça. Alors, première phrase. OK, c'est ça. C'est comme ça. La. Oh, la chopin, ça coupin, ça tourne. Oh. Faut que je m'ouvre. C'est quoi, ça? Faut que je m'ouvre. Le faut que je m'ouvre. Oh. Il faut que je move. Alors, mouvons dans « D'accord, je suis un type à problème ». Ben oui. Tout le monde sait que je suis un type à problème. Là, les gens qui me regardent sur les vidéos, là, ils se disent, à chaque improvisation, là, il se lève de son siège et il se rassit. C'est un moment de dire, hey, là, on coupe avec le texte puis on enchaîne avec l'improvisation. C'est merveilleux. Mais les gens à la radio voient pas ça, là. Mais normalement, il n'y a pas d'image à la radio. Ouais, mais Errance Rénaldine, c'est aussi photogénique. Ben, pas tout photogénique, on y voit la face. Ça se vend pas, ça. Oui, mais je voulais pas dire photogénique dans ce sens-là, là. Je voulais dire que c'était filmé. Ouais, mais pour être filmé, c'est trop filmé, ouais. On est trop cadré, il faudrait digérer le cadrage. Digère. Est-ce que c'est bien digéré? Ah oui, mais là, il faudrait ramener le... Mais là, on est à radio. On va ramener quand même. Non, on est à radio. On sent, c'est pas important, c'est pas grave, on digère de même. Ah, c'est beau, ça, là. Les gens vont aimer ça. Est-ce que tu... Madame Tremblay, aimez-vous ça, vous? Hein? On sent l'émotion à chaque virgule, à chaque mot que vous nous dites, mon cher monsieur Gagné. Bravo! Bon, d'accord. On est très émus de cette mouvance. Et puis, on vous dit que d'accord, je suis un type à problème. Ben oui! D'accord. Et puis, où est le raccord avec le d'accord? Ben, il y a le Paris. Paris. Ben, Paris, d'accord. Oh, donc, oui, d'accord. Ah, d'accord, mais après ça, ben après, il y a quoi? Il y a un autre univers. Oh, mon doigt cinglé. Ben oui, il y a un autre univers. L'univers parallèle. Un autre que tu ne peux pas comprendre, toi. Ben, donne-moi tes pilules, moi saisir la nuance de ta psyché. Ah, mais la qui? La psyché. C'est-tu ta nouvelle copine? Psyché? Ben, mon dieu. J'ai dit, mais psyché... Deux psychés, s'il vous plaît. Puis là, il m'a envoyé deux grosses affaires, là. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai demandé deux psychés. Nous sommes deux psychés. Oh, mon Dieu. Je pensais pas que c'était ces psychés-là. Est-ce que c'est des psychés ou c'est des gros psychés? C'est des gros psychés. Je peux savoir un petit psyché parce que j'ai une petite soif. C'est pas de la soif, un psyché. Ah, c'est quoi? C'est de l'inconscient. Oh, mon Dieu, Seigneur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus est fini, vous entendez, béni, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, et à la monnaie, on demande Amen. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, et je m'en souviens plus, c'est pas vrai! On va me cataloguer dans les néants, c'est les néandertals. Ah oui, non. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Je suis bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Et quoi? Et c'est terminé. Mais c'est pas ça, mais c'est... Man, on l'a fait, ça. Man, c'est bouleversant. Man. Boop. Man, boop. Man. Ainsi soit-il! Non, c'est pas ça. Ah, peut-être, ainsi soit-il. Oui, ainsi soit-il. On va recommencer, voir. Non. Je vous salue, Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. C'est ça. Et le titre, c'est ça, c'est Docteur Nazi. Oh yeah! J'aime ça, ça... Hey! Nazi rock, Nazi dans les autres, Nazi. Oh! Nazi dans les autres, Nazi dans les autres, Nazi. Attention les gars, mettez fixatif et courtois. Voyons, courte échelle, ça va se lécher les aisselles. On va danser le Nazi rock, Nazi rock, Nazi. Nazi dans les rocks, Nazi. Enfilez vos bandeaux. Ah, oh, ça, je le sais. Enfilez vos bas noirs, les gars. Affichez vos rouges délicats, vos faux semblants et vos succès. Ça paraît de bon. J'avais toutes ces mémoires-là. Mais j'en ai plus une maudite mémoire. Et je dis que... Intérieure nuit, noirceur intense, les ravages se lancent sur les murs conscients de la souffrance lancinante du passé, collée au passif, au négatif existentiel. Et ça, c'est un texte poétique. Oui. Intérieure nuit, noirceur intense, les ravages. Qu'est-ce qui s'est passé? Deux points finaux. Finaux, tout n'est pas un fin finaux, non. Intérieure nuit, noirceur intense, les ravages se lancent sur les murs conscients de la souffrance lancinante du passé. Comment ça tu dis lancinante du passé? Ben oui, ben parce que je suis pas un interprète, voilà, là. Intérieure nuit, noirceur intense, les ravages se lancent sur les murs conscients de la souffrance lancinante du passé, collés au passif, au négatif existentiel. Ben c'est comme ça, fâche-toi pas. Je me fâche pas, je m'affirme. Ah. Quand elle me prend dans ses bras, quand elle me suit pas à pas, ça ne prend pas. Je ne sais pas pourquoi. Quand j'en prends une autre dans mes bras, quand j'en suis une autre pas à pas, ça prend, ça prend, ça prend, et ça ne s'apprend pas. Quand elle se coiffe d'une perruque, quand elle me caresse la nuque, ça ne prend pas, je ne sais pas pourquoi. Quand une autre me caresse la nuque, quand une autre retire sa perruque, ça prend, ça prend, ça prend, et ça ne s'apprend pas. Quand elle me fait des petits plats, des grandes scènes, ça ne prend pas, je ne sais pas pourquoi. Quand une autre me fait du plat, du théâtre, du cinéma, ça prend, ça prend, ça prend, et ça ne s'apprend pas. Elle dit, je suis rien sans toi, ça ne prend pas, je ne sais pas pourquoi. Quand une autre me dit, t'es tout pour moi, quand une autre me dit, je suis rien sans toi, ça prend, ça prend, ça prend, et ça ne s'apprend pas. Et c'est dommage parce qu'on perd le côté populaire que Paris a toujours eu. Paris a une immense culture populaire, vraiment, qui se trouve dans les vieux films d'ailleurs, mais qui est vraiment très... Jean Gabin. Par exemple, Jean Gabin, Arletty. Ça, c'est le Paris que tu aurais aimé... connaître, que j'ai pas connu évidemment, mais que j'aurais aimé connaître. Et c'est vrai que c'est de moins en moins ça. Maintenant, j'adore Paris, c'est ma ville. Et de toute manière, à chaque fois que j'ai essayé de la quitter, je suis revenue la tête basse en disant « Paris, je t'aime !» Tu es aimanté par Paris. Par Paris, non. Par Montmartre, oui. Par Paris, en soi, j'adore Paris, mais pour le coup, je suis vraiment plus qu'attachée à Montmartre. C'est vraiment Montmartre. Est-ce que tu vas faire un hymne à Montmartre, un peu comme Claude Nougaro sur Toulouse? Oh, ben, j'aimerais bien. J'ai déjà fait une chanson sur Paris qui s'appelle Paris au mois d'août. Oui. Et sur mais c'était pas vraiment ton quartier. Ton quartier, c'est Montmartre. Ah, ben, c'est un peu tous mes quartiers. Hein. Je veux dire, dans Paris au mois d'août, je parle de Paris, et puis évidemment, je parle des quartiers de jazz que j'aime, même si je les cite pas forcément. Si je cite le canal Saint-Martin, j'aime beaucoup le canal Saint-Martin. On va rester à Paris. Jeune, Eva, avais-tu une vision de... avais-tu le goût de devenir chanteuse? Avais-tu avais-tu cette flamme-là d'être chanteuse, ou au contraire, ça s'est fait au fur et à mesure, ou c'est arrivé comme ça tout bonnement? C'est arrivé comme ça tout bonnement. Maintenant, jeune, j'ai voulu faire tous les métiers du monde, écuyère, médecin, infirmière, pompier, princesse. C'est dans un vieux cirque d'enfants, entre les clowns et l'éléphant, qu'une princesse de 4 ans promène son papa du dimanche. Elle sait pas coiffer ni quoi faire, elle est timide, il est sévère, et comme tout va tout de travers, ils ont de l'amour sur la planche, et puis de cœurs qui font la manche. Papa dimanche, maman semaine, à chaque amour suffit sa peine, papa week-end. Et mal à l'aise et maladroit, main dans la main pour les faux pas, ils ont tout faux mais ça compte pas, la journée ne fait que commencer. Et quand papa jette au secours sa pauvre bouteille à l'amour, c'est la vie qui va faire un tour. Mais pour l'instant c'est pas gagné, la solitude est surpeuplée. Il se sent seul et très très vide, avec un cœur presque invalide, papa timide. Seulement voilà, petit à petit, entre parade et paradis, papa se lâche et c'est parti, direction l'amour débutant. Et sous un vieux rayon de soleil, quand il regarde sa merveille avec son doudou sans oreille, il se sent tout con, tout content. C'est la fête du père à l'enfant. Papa sourire, papa ballon, il faut refaire le plein de bonbons. Papa tout con. Et de trapèze en dromadaire, entre les clowns et les panthères, une petite fille est très très fière, et c'est presque la première fois. Les joues tartinent et de soleil, et ça zozote et ça zézeille, et ça se déguise en abeille, barbouillée de barbe à papa, dessous la glace au chocolat. Et même plus mal et même papa, c'est son papa qui est le meilleur, papa bonheur. Et comme l'enfance est passagère, même les dimanches ont une frontière. C'est pas très grave de toute manière, papa ce soir est presque heureux. Et maintenant qu'il veut bien payer l'addition, toujours trop salée d'un baiser, jamais trop sucré, elle le quittera seulement des yeux. Son papa d'un week-end sur deux. Mais c'est déjà l'heure du cafard pour le papa du dimanche soir. Papa bonsoir. C'est dans un vieux cirque d'enfants, entre les clowns et l'éléphant, qu'une princesse de 4 ans promène son papa du dimanche.